L'une des particularités les plus remarquables du chinois est qu'il n'a pas d'alphabet. Alors, comme vous le savez bien, à la place, on emploie des caractères. Cela veut dire qu'à l'écrit, chaque mot est composé d'un ou de plusieurs caractères. Ce qui rend les choses encore plus intéressantes, c'est que la langue parlée, qui a bien entendu précédé la langue écrite, ne possède pas assez de sons pour rendre tous les caractères. Vous savez sans aucun doute qu'en français, des mots peuvent avoir des sens différents malgré une prononciation identique. Par exemple, le mot « chant », dans l'expression « une leçon de chant », a un sens complètement différent du mot « chant » employé dans « il a labouré son chant ». Alors imaginez que nous n'ayons qu'un tout petit nombre de ces sons et combinaisons de sons pour nous exprimer. Eh bien, ce serait un sacré défi. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le chinois. Cette langue possède beaucoup moins de sons et de combinaisons de sons que le français et doit malgré tout permettre d'exprimer ces mêmes idées et pensées complexes que notre langue. Les Chinois ont résolu le problème de manière très ingénieuse, en utilisant des tons. Prenons par exemple le son « ma », qui se prononce comme notre « ma » de « maman », et pour lequel vous entendrez en chinois « ma, ma, ma, ma, et ma ». Il s'agit là de cinq mots qui ont chacun un sens complètement différent. De toutes les langues chinoises, le mandarin est celle qui compte le moins de tons, seulement quatre tons de base et un ton neutre. Alors pourquoi est-ce que je dis seulement ? Eh bien parce que le cantonais, par exemple, compte huit tons. Le mandarin, que nous apprenons ici, ne possède en tout et pour tout que 420 combinaisons de sons. Cela peut vous paraître beaucoup, mais il faut savoir que le français en compte plusieurs dizaines de milliers. Alors grâce aux tons, les Chinois peuvent obtenir, à partir des 420 sons de départ, un total de 1680 variations, ce qui fait une grande différence, même si l'on est loin des combinaisons phonétiques du français. Mais alors, comment les Chinois se sont-ils débrouillés ? Eh bien, ce qu'ils ont fait relève du génie. Pour moi, c'est l'un des aspects les plus passionnants de l'apprentissage du chinois. On va donc découvrir une manière totalement nouvelle et absolument exceptionnelle d'envisager la vie et la communication. Comme vous le savez, le besoin est le moteur de l'inventivité, et les Chinois en sont les maîtres, comme vous allez bientôt le découvrir. Apprendre le chinois bousculera vos réflexes intellectuels dans tous les domaines de votre vie. Vous allez percevoir les possibilités infinies de l'esprit humain et découvrir comment une civilisation ancienne a créé l'un des moyens de communication les plus simples qui soient. Pour ce qui est des tons, vous allez rapidement constater que vous les connaissez déjà. Ce qui suit ne vous semblera donc pas difficile.